L'éducation du petit musulman. Je vais maintenant t'apprendre quelques invocations. On les appelle en arabe les azkar. Je vais t'apprendre aussi quelques bonnes manières que tous les petits musulmans comme toi doivent connaître, Inch'Allah. Premièrement, quand tu veux lire le Coran. Allah dit dans le Coran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Quand tu veux lire le Coran, il faut que tu dises أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Comme ça, le méchant shaitan ne pourra pas t'embêter, Inch'Allah, et tu pourras lire le Coran tranquillement. Je te répète le dhikr à prononcer avant de lire le Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Deuxièmement, quand il pleut, il faut d'abord que tu saches que la pluie, c'est une rahma, une miséricorde qui provient d'Allah. C'est une très bonne chose qui profite à tout le monde, les plantes, les animaux et les hommes. Alors, quand la pluie se met à tomber, tu dois dire Allahumma sayyiban nafi'a. Et après cela, fais dua, demande à Allah ce que tu veux et il te le donnera, Inch'Allah. Troisièmement, quand tu éternues, des fois, quand tu es malade ou quand tu as respiré quelque chose qui chatouille ton nez, il t'arrive d'éternuer. Si cela t'arrive, il faut dire tout de suite après « Alhamdulillah ». Alhamdulillah. Bien sûr, essuie ton nez avec un mouchoir, pas avec ta main. Tes parents vont te gronder. Quatrièmement, quand tu entends quelqu'un éternuer, si tu entends quelqu'un éternuer, qu'est-ce que doit dire cette personne? On vient de le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit dire Alhamdulillah. Et toi, si tu es à côté et que tu entends quelqu'un éternuer puis dire Alhamdulillah, alors tu dois lui dire Yarhamukallah. Cinquièmement, Quand tu vois quelqu'un qui est malade, il faut lui dire La ba'sa tahurun insha'Allah. La ba'sa tahurun insha'Allah. Il faut lui sourire et être gentil avec lui et lui dire qu'il va guérir insha'Allah. C'est très important de rendre visite aux gens malades et de ne pas les laisser tout seuls.